Mais Cléante a parlé en vain, car Orgon, lui laissant plus entendre qu'il veut désormais que Marianne, sa propre fille, épouse, non pas Valère, son fiancé, mais Tartuffe. Et dans un entretien avec Marianne, Orgon lui impose ce nouveau choix de mariage. Dorine, en tant que demoiselle de compagnie de Marianne, se permet alors d'intervenir. « Quoi ? Se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Écoutez, vous avez pris ça en certaines privautés qui ne me plaisent point, je vous le dis, mamie. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot ? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance ? À quel sujet aller, avec tout votre bien, choisir un gendre gueux ? Taisez-vous. S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever, puisqu'enfin de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Ce sont fiefs qu'à bon titre au pays on renomme, et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit, et cette vanité, monsieur, ne sied pas bien avec la piété. Qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point en prôner son nom et sa naissance, et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil ? Mais ce discours vous blesse. Parlons de sa personne, et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui, d'une fille comme elle, un homme comme lui ? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances, et de cette union, prévoir les conséquences ? Sachez que d'une fille on risque la vertu, lorsque dans son hymen, son goût est combattu. Que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne, et que ceux dont partout on montre doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle, et qui donne à sa fille un homme qu'elle est et responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre.